ou un kouf qui est en dessous du kouf, c'est-à-dire le petit kouf, alors mantafahat al-khuwatul diniyatu bihi, alors la fraternité religieuse ne serait pas annihilée, ne serait pas partie. Par rapport, souvenez-vous, au verset où dans le surat Tauba où Allah Azzawajal, je vous redis ce verset, fa'inta, par rapport aux mouchtekins qu'on combat, qu'on fait le djihad contre eux, qu'on fait un qital, qu'on les combat par l'arme, fa'intabu, et s'ils se repentent, comme a dit le salim du shirk, donc ils font la shahada, la ilaha illallah, wa aqamu s-salah, et qu'ils font la prière, wa ataw zakat, qu'ils donnent la zakat, fa'ikhwanukum fi din, alors qu'est-ce qui se passe, que là ça s'on appelle fa'sa babiya, ou alors qu'il va, ce qui vient à la suite, donc s'il y a ces trois choses, qu'est-ce qui se passe, fa'ikhwanukum Fiddin, alors ce sont vos frères dans la religion. Donc s'il n'a pas ces trois conditions, ce ne sont pas nos frères dans la religion. Il est 10h15, je m'arrête ici, Inch'Allah. Je vais juste. Je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu, on n'a pas fini. Donc Inch'Allah, c'est possible qu'on finisse demain ou après-demain ce cours sur ce qu'a dit Al-Rothaymin. On finira ce qu'a dit Al-Rothaymin demain, Inch'Allah. Je vais vous passer le micro aussi, vous écrire si vous voulez. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Des questions sur le cours ne sortez pas du cours en question, d'accord. Barakallahu fikoum. Alors là j'essaye de, là, je suis rentré dans admin pour essayer de, alors voilà, ça veut pas. Comment faire, retirer, donner le micro à tout le monde. Voilà, maintenant vous pouvez. C'est pas possible. Voilà. Maintenant, si c'est des questions, maintenant vous pouvez écrire maintenant. Et vous pouvez demander. Et vous pouvez demander à parler. Si quelqu'un veut parler, qui lève la main, je crois que vous pouvez appuyer, normalement je verrai la main, je donnerai le micro, et je donnerai la parole en premier à ceux qui demandent à parler par le micro. S'il n'y a personne, alors par à l'écrit. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, bah alhamdoulilah, c'est très bien. Sinon voilà. Donc j'attends si vous avez des questions ou autre à dire. Et on, Inch'Allah, comme je l'ai dit, on finira demain. Pas de questions. Je vous laisse autant d'écrire ou de, comment dirais-je, de prendre le micro. Ça se trouve, c'est moi qui ne sais pas comment faire pour que vous preniez le micro. Comment vous le donnez. Alors, 1, 2, 3, Abou Mohamed me dit, Akhi, oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. J'ai une question. Ok, oui. D'accord. Bah, Oum Hafsa. Attends. Ah bah ça commence. Excusez-moi. Je vais répondre à la première question qui vient, c'est celle de Oum Hafsa 6. Salakoum, qui sont ceux qui délaissent la prière? D'accord. Alors, ça aussi, je vois. Bon, ceux qui délaissent la prière, comme je l'ai dit au tout début, je ne sais pas si la sœur était là au tout début, on fait la différence entre celui qui renie l'obligation de la prière et celui qui délaisse la prière, d'accord, qui abandonne la prière, c'est-à-dire qui ne fait pas la prière. Il y a unanimité des savants, que ce soit chez les salafs ou les khalafs, il n'y a pas de divergence sur ça, que celui qui renie l'obligation de la prière, donc celui qui dit non, la prière n'est pas obligatoire, c'est un kafir murtad, c'est un mécréant apostat. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle huwa jahada. Parce qu'il a renié ce qui est connu de la religion par nécessité. C'est un kafir. D'accord? Maintenant, celui qui ne renie pas dit que la prière est toujours obligatoire. Il la reconnaît, l'obligation, mais ne fait pas la prière. Il ne fait pas la prière. Le problème est pour lui. Donc, à la question, qui sont ceux qui délaissent la prière? C'est ceux qui ne délaissent la prière, c'est-à-dire qui ne fait pas la prière. Et là, bon, bah, j'aurais voulu le dire pour le prochain cours, mais par rapport à ces questions, je vais le dire maintenant. Pour, pour les trois écoles qui disent comme quoi c'est pas mécréant, donc c'est celui qui ne fait pas la prière, donc ils vont le prendre. Et généralement, on trouve dans. Il y a divergence sur ça, c'est-à-dire que comment ils font? C'est-à-dire que par exemple, le gouverneur qui applique la charia, d'accord, il va dire à la personne qui a fait la prière, tu fais la prière, sinon, on va te tuer. Et généralement, dans ces écoles-là, il donne 3 jours à la personne. Et au bout de 3 jours, s'il a pas repris sa prière, s'il a pas fait sa prière, eh bien, il le tue. Et dans le madhhab Hanafi, il n'y a pas de problème. Eux, dès le début, ils l'enferment. Ils disent, tu fais la prière. Et quand arrive l'heure de la prière, qu'il n'est toujours pas fait, ben, ils vont comme j'ai dit au début, dans le madhhab Hanafi, ils vont le frapper. D'accord? Dans le madhhab Hanbali, on trouve aussi le fait de 3 jours, c'est-à-dire qu'ils vont lui laisser 3 jours. Et si, au bout de 3 jours, il ne fait pas la prière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on l'a vu, il le tue, mais contrairement dans le madhhab Maliki Shafi'i, il le tue, mais en tant que mécréant. Donc, comme on vient de le voir, c'est l'avis de l'Uthaymeen. Il y a un autre avis qui n'est pas d'attendre 3 jours, parce qu'il est d'accord, mais c'est d'attendre la prochaine prière qui arrive. Et c'est pour moi l'avis le plus juste. C'est que la personne qui ne fait pas la prière, on le prend et on dit voilà. Par exemple, là, on est dans l'heure de l'Aïcha. Donc, s'il se fait prendre à l'heure de l'Aïcha, d'accord, on est toujours dans l'heure de l'Aïcha. On va lui dire, là, parce que la majorité disent que l'heure de l'Aïcha finit où commence la prière de Fajr, d'accord? Je vais prendre, c'est celui-là aussi que je prends, parce qu'il y a un autre avis qui est que l'heure de l'Aïcha, ça se finit au deuxième tiers, ou à la moitié de la nuit. D'accord? Mais moi, je prends l'avis qui est jusqu'à la prière de Fajr. Eh bien, on le prend. Et on lui dit, tu as jusqu'à la prière, quand l'heure de la prière de Fajr, si tu n'as toujours pas fait ta prière, on te coupe la tête en tant que mécréant. C'est dans le madhhab al-Hanbali. Et c'est ce qui ressort du Coran de la Sunna. Et comme on va voir, c'est aussi la parole des Sahaba. D'accord? Donc, ça, c'est. On n'attend pas 3 jours, mais on attend que l'heure dans laquelle on a pris la personne, l'heure de la prière de la personne, s'arrête. Donc, on va lui laisser ce temps-là. S'il ne reprend pas, eh bien, il est condamné à mort. Comme je dis, certains ils disent il faut attendre 3 jours et il y a des divergences par rapport à ces jours-là. Je regarde et il y a une autre chose aussi que je vais vous dire maintenant, Inch'Allah, comme ça fait. Voilà. À partir de quand on décrète qu'une personne n'a pas fait la prière? Est-ce qu'une seule prière, si la personne a délaissé volontairement une seule prière, c'est un mécréant? Dans Madhab Hanbali, ou c'est celui qui a délaissé toute la prière, c'est qu'il a délaissé la prière en lui-même. L'avis de Charles Ibn Taymiyyah, qui est aussi l'avis de Al-Uthaymeen, c'est celui qui a délaissé la prière en elle-même, c'est-à-dire qu'il ne fait aucune prière. Il ne fait ni le Fajr, ni le Dhuhr, ni l'Asr, ni le Maghrib, ni l'Isha, rien dans la semaine, rien dans le mois. Ça veut dire qu'il ne fait aucune prière. S'il fait une seule prière, donc il n'a pas délaissé la prière. Il a délaissé des prières, mais pas la prière. Donc il est toujours musulman. D'accord? Il va quand même lui demander de se repentir. Mais il ne sera pas considéré comme mécréant. Il faut qu'il ne fasse plus la prière du tout. C'est-à-dire qu'une personne qui ne prie pas du tout. Ça, c'est l'avis de quoi notamment de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et de l'Uthaymeen, comme on va voir. C'est celui qui ne fait aucune prière dans la journée, dans la semaine, dans le mois. C'est-à-dire que c'est celui, comme c'est aussi un avis de Ahmed ibn Hanbal, qu'on pourra lire la prochaine fois, Inch'Allah, c'est celui qui, assis, on demande, est-ce que toi tu pries? Est-ce que tu fais des prières? Il dit, là, innani la usalli. Non, non, moi je ne prie pas. C'est-à-dire que la personne qui ne prie rien, c'est lui le kafir. Il y a un autre avis, qui est celui qui volontairement délaisse une seule prière. C'est l'avis notamment de Ishaq ibn Rahawai, qui était un contemporain de l'imam Ahmed. Et c'est aussi l'avis de sachez-le de Ibn Baz qui disait aussi que celui qui délaisse une seule prière, c'est un kafir murtad. C'est un mécréant apostat. Une seule prière. Et il revient à l'islam s'il se repent de ce péché, de cette prière. Comme on pourra lire, je vous ferai lire Inch'Allah demain, ces paroles. Donc ça fait beaucoup de personnes, d'accord? Donc il y a ça par rapport à partir de quand on décrète qu'une personne a délaissé la prière. Ça c'est pour répondre à la sœur de Abu Hafsa 6. J'espère que j'ai bien répondu par rapport à ça. Celui qui délaisse la prière et celui qui apostasie. Alors Abu Bakr 8 dit, salam alaikum, wa alaikum salam wa barakatuh. C'est quoi la différence entre celui qui délaisse la prière et celui qui apostasie? Ah! Alors, bah, d'accord. Je ne sais pas, il va falloir que je revienne depuis le début alors. Dans le madhhab al-Hanbali, celui qui délaisse la prière, c'est un apostat. D'accord? L'apostasie, c'est quoi? Ridda en arabe. Et dans tout livre de fiqh que vous trouvez, il y a un chapitre à Ridda, le chapitre de l'apostasie. Donc, ceux qui n'aiment pas parler de l'apostasie, ils n'aiment pas, lire les livres de fiqh. Hein. C'est comme pour le djihad. Dans tout le livre de djihad, il y a le kitab al-djihad. D'accord? Comme pour le zawaj, le kitab al-zawaj, le livre du mariage. D'accord? Si les savants l'ont écrit dans le livre de fiqh, c'est pour qu'on le lise et qu'on apprenne ça. L'apostasie, c'est le fait de devenir mécréant après avoir été musulman. D'accord? C'est-à-dire, un chrétien d'origine, il est kafir, il est mécréant, mais il n'est pas murtad, il n'est pas apostat. Un apostat, un murtad, c'est quoi? Ou al kafir, allay sabakahu islam. C'est le mécréant qui a précédé quoi? Un islam. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était musulman et qui va devenir mécréant, c'est un apostat. Maintenant, comment devient un musulman apostat? Eh bien, il y a plusieurs sortes d'apostasie. Comme par exemple, la magie. Le fait d'adorer l'Irélillah, le fait d'invoquer autre qu'Allah, ça c'est une cause d'apostasie. Par exemple, le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimallah, a répertorié 10 annulations de l'islam. 10 annulations de l'islam, c'est-à-dire 10 causes d'apostasie. D'accord? Qu'on étudiera, inshallah. Et parmi les causes de l'apostasie, dans le madhhab al-Hanbali, il y a le fait de délaisser la prière. Voilà, c'est quoi la différence entre délaisser la prière et l'apostasie. Dans le madhhab al-Hanbali, on ne va pas parler de différence, c'est que la prière fait partie des actes d'apostasie. Voilà. Bon, ça fait gaffe, t'as quand même qui est allumé. Ouais, bon, ça va, d'accord. J'écris un portable, désolé. Quand un mariage dont au moins un des témoins ne fait pas la prière. Ah. Donc, Oumou Abdullah, Alexandre, Barakatou, qu'en est-il d'un mariage dont au moins un des témoins ne fait pas la prière? Donc là, ok. Alors, justement, là, il va falloir, on va rentrer dans la divergence. Exemple, quelqu'un prend l'avis de la majorité, comme je vous ai dit, comme quoi celui qui ne fait pas la prière, elle est toujours musulman. Donc la personne est toujours musulman. Donc pour lui, ça ne va pas le déranger que ce témoin-là soit fait pas la prière, soit la prière, parce qu'il est toujours musulman. S'il prend l'avis, comme quoi les deux témoins, il faut qu'ils soient musulmans, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit ce qu'on appelle adl, c'est-à-dire des personnes adl, c'est-à-dire justes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent de grands péchés. Parce que là, s'il prend l'avis que les deux témoins, il faut qu'ils soient adl, justes, des personnes juste honnêtes, il ne faut pas qu'ils fassent de grands péchés. Donc là, pour eux, il y aura un problème par rapport au fait de faire la prière. C'est un des plus grands péchés, parmi les plus grands péchés qu'il y a. Hein. D'accord. Donc si jamais c'est un des témoins, ça va dépendre de ça aussi par rapport à eux. Mais si, par exemple, la personne prend l'avis, notamment que comme quoi le soi qui ne fait pas la prière, c'est un kafir, eh bien, il ne peut pas prendre un des témoins, alors pas du tout, comme quoi un des témoins ne fait pas sa prière, pour lui, il est kafir. Donc là, ça va revenir à ça, d'accord? Et je reviens d'ailleurs, c'était hier un frère qui me posait la question, plus ou moins par rapport à rien, et là je répète, c'est pas moi d'ailleurs, beaucoup de choux le disent, hein, ça ne vient pas de moi, surtout à notre époque. Il faut essayer de jamais se contenter de deux témoins. Il faut prendre le plus de témoins musulmans possible, parce que surtout à notre époque, surtout dans certains lieux, il est difficile de trouver deux témoins arabes, c'est-à-dire honnêtes, qui ne font pas de grands péchés, d'accord? Qui ne font pas de péchés. Donc il est préférable de demander à ce qu'il y ait le plus de témoins possible dans les mariages. D'accord? Le fait de faire le mariage dans la mosquée n'est pas une sunna. On le fait en mariage, on peut même faire l'acte de mariage dans la rue, même là que c'est pas, par contre c'est pas trop demandé parce qu'il y a du monde, mais on peut faire ça dans une maison ou autre. Le fait de vouloir faire le mariage dans la mosquée, ce n'est pas une sunna. Même celui qui dit ouais, il faut faire la prière, il faut faire, excuse-moi, faire le mariage dans la mosquée, c'est une bida. D'accord? C'est une innovation. Ce n'est pas demandé. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. On est en France, surtout en France. Quel est l'endroit en France où on peut trouver un maximum de musulmans qui sont prêts à écouter et à faire un mariage, à écouter un acte de mariage? Eh bien, c'est dans une mosquée. Donc, il est bon de faire ici les mariages.